OK. L-I-L-P-I-T. Pour autre aspect, Zaza, Nassim, Farid, DJ. OK. Pour mon poteau bangé. Vendetta corrosive. Vendetta corrosive. C'est corrosive. Bang, musique. J'arrive avec un X5 sous les mains. Tu roules en 106, tes textes me saoulent, man. J'ai la rage et l'ambition des hustlers, man. Je sors le AK-47 pour t'arroser. J'ai la détermination d'un gros bonnet. Révolution interdite, la folie d'un névrosé. Le regard affamé, tu reconnais la rage dans ma régie. Pour cela qu'au microphone, je fais des glitchis. Reste tranquille, si tu veux pas être du sondage. Quand c'est la dalle, je fais des dévergondages. Personne ne m'a tendu l'échelle. Je suis arrivé, bangé, m'a fait la courte échelle. J'ai fait trembler la concurrence juste avec ma prunelle. J'ai gueulé les nique la France. Anti-sarco, je veux le découper en rondelles. Pour le ramasser à la truelle. Eh oui, c'est cruel, c'est vendetta, corrosive, révolution, interdite, bangé, musique. Laisse-moi, j'ai la haine. Je viens baiser l'état. Arraché depuis mes premiers pas, j'arrive. Je suis corrosif, vendetta. Vas-y, laisse-moi, j'ai la haine. Je viens baiser l'état. Arraché depuis mes premiers pas, j'arrive. Je suis corrosif, vendetta. Pour banquer musique, autre aspect, on est là. Je suis corrosif, l'ami, c'est vendetta, cousin. Le commercial va manger des patates dans la gorge. Mes ennemis, je vais les égorger. Quelques pulsions vont parler ma plume. Je fais de la violence contre mon cahier de rime. Je respecte le code de la rue, son honneur, ses vertus. Ta vie crue, je la mets tout nu. Alors ton regard menaçant, tu peux le ranger. Si tu veux pas que t'attendes au tournant, frérot, si tu squattes la plaque tournante, charbonne vite, vite. Maman se tourmente, madame la juge, c'est pas moi. Je pratique pas les tournantes. Nachi est mon frère, si à moi. Il est là pour moi, je suis là pour lui. À la cour, ma famille, sur le terre, m'en bat les couilles, mes ennemis, nique sa mère, j'suis un hustler, man, ok, pour banquer, musique, révolution, interdit, on est là, la cour, ok. Laisse-moi, j'ai la haine, j'viens baiser l'état, enragé depuis mes premiers pas, j'arrive, j'suis corrosif, vendetta, vas-y, laisse-moi, j'ai la haine, j'viens baiser l'état, enragé depuis mes premiers pas, j'arrive, j'suis corrosif, vendetta, pour banquer, musique, autre aspect, on est là. Le hardcore m'a fait du pied, je suis arrivé énervé. J'ai impressionné ceux qui m'ont sous-estimé. J'appelle le succès, il m'envoie sur répondeur. Je veux le faire passer un sale quart d'heure. J'ai le mental forgé comme Hurricane Carter. Je viens menaçant, la République prend peur. Rap du fada va semer la terreur. J'ai mis le clou, je continuerai à mettre des coups. À revendiquer tant que j'aurai pas la corde au cou. Je rapperai même en impro, enfermé au trou. C'est ça, hustler mène à la cour. Une fée anormale dessous, c'est la folie humaine qui fait parler ma plume. C'est le regard de ce petit délaissé sur le bitume qui engraine le flow et l'attitude, ok. C'est le rap hardcore comme bangé, musique qui engraine le flow et l'attitude, ok. Laisse-moi, j'ai la haine, je viens baiser l'état. Enragé depuis mes premiers pas, j'arrive, je suis corrosif, vendetta. Vas-y, laisse-moi, j'ai la haine, je viens baiser l'état. Enragé depuis mes premiers pas, j'arrive, je suis corrosif, vendetta. Pour bangé, musique, autre aspect, on est là. Vendetta corrosive pour banquer musique, toujours productif, lil beat, ok. C'est toujours ce putain Perken, ok. Pour Mamadou et sa putain d'Heineken, c'est pour les mecs sur le terrain, ok. C'est pour Paris, y'a l'offre et la demande, y'a l'offre et la commande. Nous, on commande, ok. Alias commandant, bangé lacrymogène, venu des Comores avec vendetta. Explosif, corrosif, agressif, lulpite, agressif, radio, agressif, Gino, agressif, Paris, agressif, DJ, agressif, bangé, agressif, bande de pute. On vous agresse,